Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, on retourne au collège. Pour Greg, 12 ans, le collège est la chose la plus stupide jamais inventée. Un endroit rempli de pièges, de débiles et de délinquants, et où toutes les chaises de la cafette sont réservées, ce qui l'oblige à manger par terre. Pour survivre à cette épreuve sans fin et connaître enfin la gloire qu'il estime mériter, Greg imagine des plans infaillibles qui ne donnent jamais le résultat escompté. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne à l'intérieur? D'accord, ça va. Passe une bonne journée, mon poussin. 20th Century Fox présente Journal d'un dégonflé, guide de survie pour l'école. Évitez les amis bizarres. Vous voulez voir ma tache de naissance secrète? Oh, il y a un poil dedans. Ne suivez pas les conseils de votre grand frère. T'es mort ou scolarisé à domicile d'ici la fin d'année. Et surtout, ne touchez pas au fromage. Stop! Tu l'as échappé, Belle. T'as failli attraper la marque du fromage. Darren a touché au fromage. Ça ne fait plus aucun doute. Le collège est l'endroit le plus débile qu'on ait jamais inventé. Heureusement, il y a encore quelques personnes normales. Journal d'un dégonflé. Une comédie américaine, un DVD Fox Pathé au repas.